Chapitre 26e. Lorsqu'il avait vu Madame Ripper s'éloigner brusquement, Sextius Bonenfant était resté très perplexe. Cette femme avait de telles façons de s'exprimer qu'elle faisait pénétrer l'hésitation et le doute dans les esprits les plus fermes. À plus forte raison, l'excellent, mais quelque peu naïf, provençal se laissa-t-il impressionner par l'ironie et par le silence calculé. Sextius n'avait pas cru un seul instant que Julien eût pu être arrêté. De ce qu'il se serait porté garant de la complète innocence de son ami, il aurait conclu, si la pensée de l'arrestation lui était venue, que les magistrats devaient être dans les mêmes dispositions à son égard. Maintenant, il avait des appréhensions, presque des craintes. Cependant, l'aspect nouveau du quartier de la gare changea le cours de ses idées. Il ne put résister au plaisir d'examiner la fontaine monumentale élevée au rond-point de la gare et qui domine le bas-fond où le chemin de fer vient aboutir. L'entrée de la ville d'Aix est une des plus belles qui existent, magnifique vestibule d'un monument médiocre. En arrivant sur le cours du roi René, le voyageur se reconnut. Il leur monta, aussi rapidement que cela lui était possible, jusque vers le milieu où se trouve l'hôtel Nègre Coste. C'est là qu'autrefois il avait l'habitude de descendre. Il y entra avec le sans-façon d'un hôte qui se croit attendu. « Nègre est-il là ? » demanda-t-il au bureau. « Non, monsieur. » « Et Blandin ? » ?»« C'est moi, monsieur. » »« Eh bien, mon pauvre vieux, je ne vous fais pas mon compliment. Il paraît qu'on vieillit aussi à Aix. » Monsieur Blandin, qui est dans la force de l'âge mûr, peu flatté de l'apostrophe, regardait le voyageur d'un air ahuri, ne sachant s'il fallait rire ou se fâcher. « Pardon, monsieur, mais je n'ai pas l'honneur. Sextius, bon enfant, de 5 années jadis, de Paris aujourd'hui. »« Ah, cher monsieur bon enfant, que ne le disiez-vous plus tôt ? C'est qu'il y a quelque 20 ans que je ne vous avais pas vu. Quel bon vent vous amène ? Donnez votre valise. »« Minute. Avez-vous vu monsieur de Mulset ? Non, il est à la Mule Noire. Est-il encore à Aix ?» Le bon Sextius attendait la réponse avec anxiété. « Certainement, répondit le maître d'hôtel. Avec son affaire, vous comprenez, il ne peut s'éloigner. » Sextius respira et même bruyamment. Dans sa joie, il aurait volontiers embrassé M. Blandin. Il se contenta d'adopter son hôtel et de se faire donner la meilleure chambre. Après avoir changé de linge, il se rendit à la Mule Noire. Son voyage, sa démarche, son intervention lui paraissaient si naturelles qu'il se proposait tout simplement d'aller frapper à la porte de Julien et de dire « Me voilà !» sans penser que si Mélanie se trouvait avec son ami, elle pourrait éprouver par la surprise une émotion douloureuse. Fort heureusement, il rencontra dans le vestibule de l'hôtel le valet de chambre de Julien. C'était un garçon calme, réfléchi, attentif, qui s'étudiait à ménager l'irritabilité nerveuse de son maître. Julien faisait sa toilette dans sa chambre. Le domestique fut plus à l'aise, les hommes étant mieux aguerris contre la douleur et contre la joie. À son attitude, presque joviale, Julien comprit qu'il avait quelques bonnes nouvelles à lui annoncer. Il ne le laissa pas dévider tout l'écheveau de ses périphrases. Quand il sut que Sextius Bonenfant était là, il fut si heureux et si reconnaissant qu'il s'élança pour aller à sa rencontre. Mais il était à moitié vêtu, il l'envoya chercher. Les deux hommes s'embrassèrent longuement. Joseph les laissa leurs effusions et prévint Miette qu'elle eut à préparer Mademoiselle Ripper à cette entrevue. « Mon cher ami, dit enfin Julien, que vous êtes bon et généreux. Veux-tu te taire ? Je devrais être ici depuis 8 jours. Pourquoi ne m'as-tu pas expédié une dépêche ? Les événements se sont tellement précipités que je ne savais où donner de la tête. Et tu n'as pas pensé à moi, ingrat ? Mais je ne t'en veux plus. Tu es libre, c'est l'essentiel. À nous deux, nous viendrons facilement à bout de la terrible femme. Chacun son tour en ce monde. Il est bien temps qu'elle fasse pénitence. » Julien dut raconter de nouveau son histoire dans les plus minutieux détails, après l'avoir préalablement résumé en quelques mots. Les sérieuses préoccupations personnelles rendent naturelles les redites. Julien préférait d'ailleurs tout dire afin de n'avoir pas à traiter ce triste sujet en présence de Mélanie. Bonenfant avait demandé à voir la jeune fille. Julien temporisait, voulant que la matinée fût assez avancée pour qu'il pût entrer dans son appartement et la préparer à la visite de Sextius. Mélanie l'attendait, heureuse elle aussi, de la venue de l'excellent homme. Miette l'avait averti. il n'y avait plus trace de l'hostilité première. Mélanie était de la famille adoptive du vieux garçon au même titre que Julien. Lorsqu'ils furent réunis, les souvenirs de Ville d'Avray firent les frais de la conversation jusqu'au moment où fut apportée la citation convoquant Mélanie devant le juge d'instruction. Ce fut une désagréable et pénible surprise. Pour être inévitable dans certaines situations, les contrariétés n'en sont pas moins sensibles. Cependant, il n'y avait pas à reculer. Il n'y avait pas non plus à s'effrayer. Le juge s'étant montré toujours très bienveillant. Julien et Bonenfant s'appliquèrent seulement à démontrer à Mélanie la nécessité du calme et de la prudence. Elle promit, en affirmant toutefois qu'elle manifesterait énergiquement son dévouement absolu à l'égard de Julien. Le lendemain matin, Bonenfant, en grande toilette, donnait le bras à Mélanie pour la conduire au palais de justice. Julien marchait à côté de lui. Les deux hommes durent rester dans la salle d'attente précédant le cabinet du juge. Ils le savaient, mais ils avaient voulu marquer par des témoignages extérieurs de leur déférence et de leur respect pour la jeune fille. Le juge reçut Mélanie, non en magistrat-instructeur, mais en homme du monde. Il se leva à son entrée et lui offrit un fauteuil, au lieu de la chaise banale des témoins ordinaires. Il lui dit « J'aurais voulu pouvoir ne pas vous faire intervenir, mademoiselle, mais la justice a des obligations rigoureuses. Je serai peut-être dans la nécessité de vous poser des questions qui vous paraîtront indiscrètes. Croyez bien qu'elles me sont dictées par mon devoir de magistrat et qu'elles n'ont aucun caractère ni de malveillance ni de curiosité. » Mélanie fut effrayée par ce début. Tout le monde entre avec émotion dans un cabinet de juge d'instruction. Une jeune fille est naturellement plus émue que personne, surtout quand elle se trouve dans une situation aussi délicate que Mademoiselle Ripert. Celle-ci s'inclina sans rien dire et attendit. « Je n'ai pas à vous interroger sur l'événement du cours des minimes, » reprit le juge. « Je ne veux pas vous exposer à hésiter. »« Je n'hésiterai pas, monsieur. Vous pouvez m'interroger. L'homme le plus honorable, le plus loyal, le meilleur est sous le coup d'une accusation capitale. Mon devoir est de le défendre parce qu'il est innocent et parce que je lui dois plus que la vie. » Je lui dois l'honneur. Ceux qui n'avaient la garde l'avaient compromis. Monsieur de Mulsey est mon sauveur. Je n'hésiterai jamais à proclamer son grand cœur pendant l'instruction et publiquement s'il le faut. Calmez-vous, mademoiselle. Si ce malheur arrivait, vous agiriez suivant les inspirations de votre conscience. Aujourd'hui, vous n'avez que des renseignements de détail à me donner. Depuis combien de temps avez-vous quitté madame votre mère? Depuis un an environ. « J'étais absolument obligé. »« Je le sais. Vous avez reçu la part vous revenant dans la succession de monsieur votre père. À quelle somme s'élevait-elle ?»« À 400 et quelques 1000 francs. »« Avez-vous toujours cette fortune ?»« Oui, monsieur. »« Pourriez-vous, si cela était nécessaire, en justifier ?»« Parfaitement. J'ai les mêmes titres que j'ai reçus. »« Monsieur de Mulsey est riche aussi ?»« Monsieur de Mulsey est plus riche que moi. J'ignore le chiffre exact de sa fortune. » Certainement, il a de 500 à 600 000 francs. Vous pouvez le lui demander à lui-même. Il est là, qui m'attend avec un de nos amis communs, qui connaît et notre histoire et nos affaires, et qui a fait tout exprès le voyage de Paris pour nous apporter son appui. C'est inutile. Ce serait irrégulier. Permettez-moi une observation. Vous m'avez dit que vous pouviez représenter vos titres de rente. Vous les avez donc apportés? Vous gardez l'hôtel? Monsieur de Mulsey et vous, des valeurs représentant au moins 1 000 000. Nos titres sont déposés à la Banque de France. Très bien, c'est de la prudence. Je vous remercie, mademoiselle. Je n'ai pas d'autres questions à vous adresser. Mélanie était à la fois étonnée et rassurée. Elle prit congé du juge d'instruction, qui l'accompagna jusqu'à la porte de son cabinet et qui même attendit, avant de rentrer, d'avoir reçu et rendu le salut de Julien. Il n'était pas fâché non plus de voir quel était l'homme qui donnait aux deux jeunes gens une preuve aussi sérieuse d'affection. Sextus, Bonenfant, lui était inconnu, mais il est des physionomies qui ne trompent pas. Et les honnêtes gens ont à se pressentir et à se deviner un instinct aussi sûr que les malfaiteurs entre eux. S'ils vont moins souvent l'un à l'autre, c'est que l'intérêt de sympathie est moins puissant que l'intérêt de coalition. Rien qu'à voir s'épanouir la large face du voyageur quand Mélanie parut sur le seuil du cabinet, radieuse. Le juge comprit que c'était un homme de cœur et de dévouement. Ce fut allègrement et avec grand plaisir qu'il mit en ordre le dossier de l'affaire du cours des minimes pour clore l'instruction pendant que Sextius, Julien et Mélanie retournaient à l'hôtel. Sextius donnait encore le bras à la jeune fille, placé cette fois entre les deux hommes, afin qu'ils entendissent facilement l'un et l'autre le récit de sa conversation avec le juge. « Ça, c'est de l'audace !» ne put se retenir de dire le Provençal. « Elle a dû affirmer au juge que Julien vous avait ruiné. »« Oh, monsieur Bonenfant !»« Pourquoi donc, alors, vous a-t-il posé toutes ces questions ?» Mélanie baissa la tête. « Ma pauvre mère devient folle » murmura-t-elle.